minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver. Nous sommes le samedi 7 octobre 2017. C'est l'épisode numéro 389 de Planète Indie. Et puis c'était aussi aujourd'hui le deuxième et dernier récapitulatif, émission spéciale, horaire exceptionnel, enfin tout ce que vous voulez. Deuxième donc émission récapitulative pour célébrer les 20 ans de Planète Indie. Le mois dernier, au cours de notre émission de septembre, eh bien, on a fait en gros la visite des années 1997 jusqu'à la moitié de 2009. Aujourd'hui, eh bien, on va faire la deuxième moitié, donc 2009 à 2017. On va faire ça de façon non chronologique. Hein. Donc, j'ai été sélectionné les morceaux, on va dire, ou les artistes les plus marquants de ces années. Et puis... J'ai mélangé tout ça et ça nous donne une playlist un peu mélangée, donc il n'y a pas d'ordre chronologique à voir là-dedans. 2009, ça paraît déjà loin. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009? Eh bien, c'était l'élection de Barack Obama qui prête serment. Ça s'est passé le 20 janvier. Il devenait donc le 44e président des États-Unis. Décès d'Alain Bashung. Ça c'était au mois de mars. Au mois d'avril, il y avait le fameux séisme qui a eu lieu en Italie, qui a fait 170 morts. Ça se passait dans la région des Abruzzes. Puis c'était aussi le début de l'épidémie de grippe porcine, le virus H1N1, qui eh bien, touchera à peu près tous les pays du monde. Puis c'est aussi le début de la loi Hadopi en France. Et last but not least, un autre grand artiste nous a quittés en 2009. Ça se passait au mois de juin. C'était Michael Jackson. Voilà. Michael Jackson, c'est pas trop la programmation de Planète Indie, vu que nous, eh bien, c'est plutôt des artistes indépendants qu'on passe. Donc, il a été loin d'être indépendant. Mais bon, il fallait quand même souligner cela. Allez, je vous propose de commencer la programmation de ce soir sans plus tarder avec les Pink Dust. On a écouté des extraits de leur nouvel album récemment, mais là on retourne sur leur premier album qui s'appelait Pink Dust. Et le morceau s'appelle All or Nothing. Restez bien avec nous, nous sommes ensemble aujourd'hui exceptionnellement jusque 19h. Donc on a droit à 2 heures d'émission pour fêter nos 20 ans, c'est super. Allez, place au Pink Dust avec All or Nothing et puis après le groupe punk The Cardboard Crowns. Shut my mouth. Et bah, c'est exactement ce que je vais faire, je vais la fermer et je laisse la place à la musique. Oh, if I shut my mouth. Maybe if I scream too loud. Maybe if I let you love me. Maybe you could break me down. But for now. Best behavior, and in the best of days, I'm beating down these demons, but I can't escape their cage. It's not so much the piety in answering the call, but the bittersweet humility that I was never king at all. Maybe if I shut my mouth, maybe if I screamed aloud, maybe if I let you love me, maybe you could break me down. I shut my mouth. Maybe if I screamed aloud. Maybe if I let you love me. Then maybe you could break me down. On the brink of my extinction, could you spare a prayer for all the space I put between us and every face across the floor? Could you spare a second glance from the soldiers at my door? Or at least a second chance to be the man. Maybe if I shut my mouth, maybe if I scream loud, maybe if I let you love me, then maybe I can make you proud. Maybe if I shut my mouth, maybe if I scream loud, maybe if I let you love me, maybe you can break me down. But for now. Et bien voilà, hein, Punk is not dead, la preuve avec ce groupe, les Cardboard Crowns, extrait d'un album qui s'intitule Global Citizen. On écoutait le morceau Shut My Mouth. Sa musique à elle, eh bien, on ne peut pas la qualifier vraiment de punk, mais dans son attitude, elle l'est. Alors là, à 100%, voire même à 200%, c'est Amanda Palmer. Amanda Palmer qui était venue en concert ici à la Rocale il y a quelques années. Et on avait eu son CD, son album était sorti en 2012 et il s'intitule Theater is Evil. Et on va donc l'écouter avec ce morceau Want It Back, une des plages, on va dire, les plus en vue de cet album de Amanda Martin. Et puis après cela, on ira du côté du Canada avec Selena Martin et plus Amanda Palmer. D'ailleurs, je crois que j'ai dit Amanda Martin. Non. Amanda Palmer and Grand Theft Orchestra, on les écoute tout de suite. Et puis après, ce sera Selena Martin qui vient de Toronto au Canada avec le morceau Where the City Fell. Phone can bang, ring, and you think you're gonna get something you can bring. away. It doesn't matter if you want it back. You've given it away. You've given it away. It doesn't matter if you want it back. You've given it away. You've given it away. It doesn't matter if you want it back. You've given it away. Selena Martin from Toronto, Canada, and you're listening to Planet Indie. When the city fell, captors did as well. Those desires never known. When we finally let them go, and what they know is only what they know. Un peu plus court, celui de Selena Martin, donc la jeune femme originaire de Toronto. On l'écoutait avec When the City Fell. Et avant ça, je vous rappelle, c'était Amanda Palmer, un peu déjantée, Amanda Palmer, accompagnée de son Grand Theft Orchestra, Want It Back. On va encore donner la parole à une jeune femme qui s'appelle Inouï, avec W-E-E à la fin. Elle est originaire d'un pays nordique, je ne sais plus lequel. Je pense que c'est la Suède, mais je ne suis plus sûr. Inouï avec le morceau Rust. D'ailleurs, dans les pays nordiques, on y retournera tout à l'heure. Vous allez voir, restez bien avec nous. Je vous rappelle, nous sommes ensemble jusque probablement 19h, aux environs de 19h, pour Planet Indie, spécial 20 ans, deuxième partie. Thank you. fluorescent light. They're dancing for you, honey. Strip club rover is counting the hours in your moments of despair. Don't let them disappear, 'cause I got nowhere to go anymore. Donc la suédoise Inouï avec Rust. Ben nous on n'est pas encore prêt de se reposer puisque nous fêtons les 20 ans de Planète Indie en ce moment, cette année 2017, puisque ça a commencé le 31 juillet 1997. Remontons si vous le voulez bien les événements des années 2009 à 2010. On a passé en revue 2009 tout à l'heure. Quelques faits marquants de l'année 2010, eh bien c'était une année avec beaucoup de catastrophes naturelles. La preuve, le 12 janvier, c'est le tremblement de terre à Haïti, nombre de victimes, plus de 230 000 morts à Haïti. Ensuite, c'est le Chili qui est victime d'un séisme, plus de 300 morts. C'est pas fini, hein. La tempête Xynthia qui s'abat et qui fait une cinquantaine de morts. Et puis c'est aussi l'année de l'éruption du fameux volcan islandais Eyjafjallajökull, pardon pour ma prononciation, Eyjafjallajökull. Je sais bien que mon islandais n'est pas parfait, mais tout le monde s'en souvient si on vous dit l'éruption du volcan islandais, parce qu'il a entraîné aussi la fermeture de nombreux aéroports en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si je ne me souviens bien. Et puis, on n'est pas fini avec les catastrophes. Il y a encore la plus grande catastrophe écologique qui s'est déroulée aux États-Unis avec l'explosion de cette plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Et puis, on poursuit avec les événements. Ça me souvient plus trop personnellement ce que je faisais en 2010, mais c'était pas l'année la plus jojo, hein, puisqu'on a relevé aussi le décès de Jean Ferrat. C'était le 13 mars. Et aussi le décès de Claude Chabrol. Coïncidence, ils étaient nés tous les deux en 1930 et ils sont nés et ils sont décédés donc en 2010 à l'âge de 80 ans tous les deux. Allez, on poursuit en musique, pas de powerplay aujourd'hui puisqu'on retrace aussi musicalement parlant ces années, pas de façon chronologique, mais bon. Et là, on va se retrouver avec l'album de Zoot Woman. Ça, il est sorti en 2009. Cet album s'intitule Things Are What They Used To Be. On va écouter le morceau More Than Ever. Zoot Woman, qui était venu aussi se produire à la Rockal à cette époque-là. Je me souviens que j'étais au concert et j'avais été trouver leur tour manager en disant « Ah, c'est pas mal ce que vous faites, je ne connaissais pas du tout. » Je lui ai parlé un peu et puis il m'a filé un CD. Et puis voilà, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans Planet Indie. On les écoute tout de suite avec More Than Ever, le groupe anglais Zoot Woman. Time is on our side. Without you I've got no love is on our side. Without you I've got no. Waited such a long time, but it's still the wrong time. I can't feel a thing, but I still want you more than ever. Know what I believe in, everything I see in you is all still want you more than ever. Know there's a way to the side that you don't show. Walking the bright side to somewhere I don't know. Waited such a long time, but it's still the wrong time. I can't feel. Alors Alors comment vous les trouvez les Zoot Women, c'est pas mal hein. On les écoutait avec More Than Ever. Le groupe suivant, c'est un des groupes avec leur album Justice. Cet album, eh bien, pour moi, il fait partie du top, top 20 des meilleurs albums que j'ai eu l'occasion d'écouter depuis ces 20 dernières années, donc des albums indie. Le groupe est canadien, il s'appelle Savage Peace et donc je vous ai donné le nom de cet album, Justice. On va écouter The Prince, c'est un peu dans la même veine que ce qu'on vient d'écouter, que les Zoot Women. Allez, on les écoute tout de suite avec The Prince, Savage Peace. Hey, this is Lars Nelson from Minneapolis, Minnesota, USA. Wishing Planetary Indie a very happy 20th anniversary. Here's to another 20 great years of playing the absolute best music in the entire world. Now turn it up and let your neighbors hear it. Jusqu'à la dernière note, leur site internet www.savagepeace.com, j'imagine qu'il existe toujours. L'album était sorti en 2013 et on l'avait écouté comme powerplay, bien entendu, à cette époque. D'ailleurs, si vous voulez écouter, discuter et contacter directement la plupart des artistes, non pas la plupart, une partie des artistes que vous entendez au cours des différentes émissions de Planète Indie, n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre groupe Facebook, puisque eh bien, beaucoup de ces artistes en font déjà partie. Avant de poursuivre en musique, on va revenir, on va quitter le Canada, on va revenir en Europe du côté des Pays-Bas. Je vous rappelle que la cinquième édition du Video Clip Awards se tiendra très très bientôt dans le cadre du festival Sonic Visions. Donc c'est aux environs du 18 novembre. Et si vous êtes actif dans le milieu audiovisuel et musical, donc en tant que soit directeur de film ou alors si vous êtes un artiste et, ou un groupe et vous avez déjà des vidéos, eh bien vous pouvez participer donc à cette 5e édition du Video Clip Awards. Dépêchez-vous parce que vous devez envoyer vos candidatures encore, vous n'avez plus que ce mois d'octobre pour le faire. Les infos www.sonicvisions.lu/VCA pour Video Clip Awards. On continue donc en musique avec Parson Brown. Ça, c'est un groupe néerlandais. Je vous avoue que je ne sais plus trop comment j'étais tombé dessus. Je crois que je les avais entendus ailleurs sur une autre radio. J'écoutais et puis du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison. Je vais aussi les contacter. Et si je me souviens bien, c'est comme ça que ça s'est passé. Leur album était sorti en 2008. Il s'appelle The Farewell State. Et 2008, mais nous on l'a reçu plus tard, hein. C'est pour ça que je l'ai mis dans les années plus tard, 2009-2017, c'est ce qu'on fait maintenant. Et on va donc écouter le morceau Static, c'est le groupe hollandais, néerlandais, de Parson Brown. Il faut que je remette le bon morceau parce que je vois que j'ai pas programmé le bon, donc je meuble pendant 2 secondes le temps de programmer la plage numéro 11, et puis c'est parti, on leur laisse la place tout de suite. J'entends que ça s'enclenche, ça y est. I can sit here and watch, and no one could tell I was waiting. The hunger is asleep in my bones. I feed on little lies instead. I could let out a sigh. You'd think that my soul had escaped. I could lead you to heaven. You'd still feel mistrust and misled. I can sit in my own static until the message you see. I can sit in my own panic, a well-disguised prayer for release. Can I sleep for a while? Wrap my thin little conscience around you. I'm so tired of denial. I'm dying for something. Sink into you. Can I think about the meaning of omens? Can I pretend that there is nothing left to lose? Can I fade away? I can sit in my own static until the message you see. I can sit in my own panic, a well-disguised prayer for release. I've been wasting like time itself, and I've dreaded every call. I've always known it was your intention to never come back at all. I've been licking my wounds in silence, now up against that wall. I can sit in my own static, beyond all reason and doubt. I can reach for my own. Thank you. this is Arda from Arda and the Stolen Moon. Thank you, Planet Indie, for being the first radio station to play our songs and for supporting indie bands all over the world for 20 years. As we travel through space and time, and I listen ways that I can't explain. Through the wind. Un peu plus calme, hein. C'est le groupe Roubaix avec le morceau Six Years, cet extrait d'un album que j'avais reçu en promo parce qu'il n'était pas encore sorti à l'époque, il devait sortir en 2010 et j'ai plus vraiment de nouvelles de ce groupe. C'était un duo avec notamment Luke Corradine dans ce groupe et je ne sais même pas si cet album est finalement sorti parce que j'ai plus vraiment eu de nouvelles. Si vous le voulez bien, on va aller faire un petit tour sur l'année 2011, voir ce qui s'était passé. Alors le 1er janvier, c'est l'arrivée au pouvoir de Dilma Rousseff. Elle devient la première femme présidente de la République du Brésil. Toujours dans le monde politique, c'est les manifestations, notamment en Égypte, avec la démission de Hosni Moubarak après 18 jours d'intenses et de vives manifestations. Encore des décès, notamment la comédienne Annie Girardot qui décède en février. Et puis il y aura aussi Amy Winehouse qui décède un peu plus tard, au mois de juillet, le 23 juillet, à l'âge plus ou moins mythique de 27 ans, parce qu'il y a eu cette fameuse légende des 27 ans où beaucoup d'artistes sont morts à cet âge-là. Je ne sais plus lesquels. Il y avait notamment, comment est-ce qu'il s'appelait ? Ben non, je ne reviens plus sur son nom, le chanteur de Nirvana. Ça me revient plus, c'est sorti. Bref, au Japon, séisme de Fukushima, et il y aura à peu près 20 000 victimes, il y avait un zéro de trop. Et puis, un peu plus joyeux, c'est, on s'en souvient, le mariage du prince William et de Kate Middleton. Et puis le 31 octobre, suivant l'estimation de l'ONU, c'est ce jour que la population de la Terre franchit le cap des 7 milliards d'individus, comme quoi ça continue de monter. Ce qui continue, nous, c'est la programmation musicale. On va écouter les Anglais de Silver Spark avec Dangerous Game, la plage d'ouverture de leur album. It's too many fires. Oui, alors ça c'est pas le... Voilà donc Silver Spark, Dangerous Game, un groupe anglais. L'artiste suivante, eh bien, c'est une vraie force de la nature. Ça tombe bien puisque c'est le titre de son album, Force of Nature. J'ai découvert un peu par hasard parce que je sais pas si vous participez au Blues Express. L'année dernière ou il y a 2 ans, on avait vu King King. Très très bien King King, qu'on écoutera plus tard. J'avais contacté leur label pour voir si je pouvais les diffuser. Et puis ils m'ont envoyé l'album de Sari Shore, la nouvelle voix du blues. Et donc on pouvait pas non plus passer à côté. Sari Shore, on l'écoute avec Work No More. Puis après on écoutera Laura Rain accompagnée de ses Césars, Your Love Is Not Broken. She don't have to work no more. Now the journey's done. The burden has been lifted, and the pain is all gone. She worked hard all her life. Now she don't have I'm Diane Mink from Albuquerque, New Mexico, USA. I'd like to congratulate Planet Indie on their 20th anniversary. De Césars, et après ça réchauffe, c'est des voix qui dépotent. On s'est arrêté tout à l'heure à l'année 2011. En 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le fameux naufrage du paquebot Costa Concordia et l'abandon du capitaine. Bah oui, toujours aussi dramatique, c'est le fameux accident de bus qu'il y a eu en Suisse, un accident d'un bus belge qui a fait 28 morts, dont 22 enfants, c'était au mois de mars. Il y a l'astronaute américain Neil Armstrong qui nous a quittés. C'était le premier à avoir marché sur la Lune le 21 juillet 1969. C'est aussi la radiation à vie pour cause évidemment de dopage. Tout le monde s'en souvient du cycliste américain Lance Armstrong qui perd ainsi ses 7 victoires consécutives au Tour de France. Et puis, quoi d'autre ? Le 12 décembre 2012, c'est le dernier jour du 21e siècle au cours duquel eh bien, le numéro du jour, le numéro du mois et les deux derniers chiffres de l'année sont les mêmes, 12, 12, 12. Et enfin, le 21 décembre 2012, encore des 2 et des 1, eh bien, c'est la 183e date, c'est un peu plus amusant, de la fin du monde, qui a été c'est la 180e fois depuis l'Antiquité eh bien, que la date de la fin du monde est prévue. Bah, apparemment, on y est toujours là, donc ils sont un peu trompés. On poursuit donc en musique avec Duke Chancellor. Alors Duke Chancellor, il est un peu particulier dans ses deux émissions de récapitulatives et des émissions anniversaires pour les 20 ans de Planet Indie, puisque c'est le seul artiste eh bien, qui se sera retrouvé dans l'émission 1 et dans l'émission 2, puisqu'il faisait déjà partie de l'aventure du groupe Something Rhino, un groupe qu'on a écouté le mois dernier. Et bien là, c'est extrait d'un album de solo qu'il a fait, un album qui s'intitule Humanoid Music. On écoute Man With A Gun. Il est originaire de Vacaville en Californie. Il s'appelle Duke Chancellor et on l'écoute avec Man With A Gun. Ça, c'est le sous-titre de la chanson et le titre, c'est High Noon. We'll be right back. Man with a Gun. C'est le sous-titre de ce morceau High Noon par Duke Chancellor. On va quitter la côte ouest des États-Unis pour aller du côté de la côte est, du côté de Boston, avec notre ami Rigel, ça c'est le nom du groupe, Robert Buczynski qui fait partie de Rigel. C'est aussi un fidèle de cette émission. Il nous écoute de temps en temps, je le sais, parce qu'il me le dit. Et il nous a sorti en 2012 un album qui s'intitulait Sighting at Midnight. Eh bien, on va en écouter un extrait, et l'extrait choisi c'est A Color I'll Never Be, le groupe Rigel, dans cette émission récapitulative, deuxième partie des 20 ans de Planète Indie. Restez ensemble jusque 19h aujourd'hui, horaire exceptionnel. Hi, I'm Robert Buczynski from Rigel and you're listening to our new album Sightseeing at Midnight right here on Planet Indie. Jupiter in Velvet, and you're listening to Planet Indie, the center of the universe in new music. Cet artiste est aussi un grand supporter de Planet Indie, il s'appelle Jupiter in Velvet, mais c'est aussi l'artiste le plus mystérieux que j'ai peut-être rencontré, enfin que je n'ai pas rencontré, ou plutôt avec lequel nos routes se sont croisées, puisque je ne sais même pas ni son nom ni son prénom, il est très très mystérieux là-dessus. Il s'appelle donc Jupiter in Velvet, on l'écoutait avec The Everything and the Nothing, c'est extrêmement d'un album qui s'intitule The World Didn't Start With You. Très bon artiste d'ailleurs qui part certains côtés fait penser à David Bowie, notamment au niveau de sa voix. On va changer un peu de style, il fait plutôt des allers-retours entre la Grande-Bretagne et le continent américain, et là on va aller du côté de la Suède. Je vous avais dit qu'on y retournerait avec une chanteuse qui se fait appeler All Mother. Très très bon groupe de pop suédoise et un très très bon label qui s'appelle Zaft Productions, basé à Stockholm. Cet album-ci est sorti en 2012 et pour la petite histoire, puisque j'en profite aussi pour vous raconter les petites histoires derrière cette émission, j'ai pris connaissance de l'existence de ce label et de ses artistes en lisant un livre, vous savez, la fameuse collection je ne sais plus comment ça s'appelle, mais où la couverture est toute noire et il y a simplement un ovale avec une image au milieu. Je ne sais plus quel livre c'était. Et il parlait justement d'une artiste dans ce livre. Je me suis dit, tiens, ça peut être marrant, je vais écouter. Puis je suis tombé dessus et puis voilà, c'est comme ça que je les ai contactés. Donc tout ça, c'était sorti chez Zaft Productions à Stockholm. Ça s'appelle All Mother. On va écouter This Is Madness. Avant cela, les petits événements de l'année 2013, si vous le voulez bien maintenant. C'est la première fois depuis 1415 qu'un pape renonce ou plutôt annonce qu'il va quitter ses fonctions. C'était bien entendu Benoît XVI. Et pour lui succéder, eh bien, c'est notre pape actuel, pape François Ier. C'est le premier pape sud-américain de l'histoire. Dans la région de Tcheliabinsk en Russie, eh bien, il y a une météore qui a chuté. Elle faisait 17 mètres et pas moins de 10 000 tonnes. Elle a explosé dans l'atmosphère. Elle a fait un millier de blessés. Quoi d'autre ? En Belgique, toujours une affaire d'abdication. Eh bien, c'est l'abdication du roi Albert II et c'est son fils Philippe qui lui succède. Il devient ainsi le 7e roi des Belges. On a signalé aussi la mort de Nelson Mandela le 5 décembre. Et puis, c'est l'attribution du prix Goncourt à Pierre Lemaitre au 12e tour de scrutin quand même, hein, pour son livre « Au revoir là-haut ». Moi, j'ai eu l'occasion de le lire et il m'a plu énormément. C'est en fait l'histoire de vétérans, on va dire, de la Première Guerre mondiale qui sont démolis, pas seulement psychologiquement, mais aussi physiquement. C'est les gueules arrachées et tout ça. Et personne ne fait attention à eux et pour gagner un peu d'argent, eh bien, ils montent une vaste arnaque au monument funéraire pour les victimes de la Première Guerre mondiale. Lisez-le si vous ne l'avez pas lu. Ce livre est très, très bien. Allez, retour en musique avec All Mother, This Is Madness. Et puis après, on écoutera les Sisters Speak avec Honestly. Avoidance, and then a sting that will lay me low. And no, is Sherry Ann from Sister Speak. You're listening to a song off our new album, Rise Up for Love, on Planet Indie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. You got a reason to lay some wake up shine. Take your sheets off and turn the lights on. It's a beautiful day for the world to change. Living life running on a one-way train to ecstasy. To ecstasy, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, all we need is honesty. A little more loving in a lot less greed. Oh, honestly, oh, honestly, oh, honestly, you honestly. I have some broken politics. We fight each other, revoke marriages. Brothers watching, hears you talking. Oh, fingerprints, and in the end, town or two, countryside, it's underwater. There's no ammo, reason for this. Oh, so careless. No, no, no, no, no. Baby, all we need is honesty. A little more loving and a lot less greed. Oh, honestly, oh, honestly, oh, honestly, you honestly, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Little honesty, oh, honestly, oh, oh. Tires and clay, solar panels and circles of God. Brothers watching, hears you talking. Oh, fingerprints, and in the end, a town or two, countryside, is underwater. There's no ammo, reason for this. Oh, so careless. No, no, no, no, no. Baby, all we need is honesty. A little more loving and a lot less greed. Oh, honestly, oh, honestly, oh, honestly, you honestly. Baby, all we need is you and me. Finding our niches and living our dreams. Honestly, honestly, honestly, yeah, yeah, yeah, yeah. Honestly, on était en 2014 avec Sherry Ann et son groupe Sister Speak, comme ils se sont présentés d'ailleurs, cet extrait d'un album intitulé Rise Up for Love. On va remonter quelques années encore pour le morceau suivant. Ça y est, il est déjà en arrière-fond. C'est le groupe Caravan Palace, un groupe français difficilement mettable dans une case spécifique. Ils étaient venus aussi à la Rocale en concert. On va écouter le morceau Maniac et pendant qu'il passe en arrière-fond. Je vous signale aussi et je vous invite à participer au Ciné East, le festival du film d'Europe centrale et orientale, dont c'est la 10e édition cette année. Donc il a bien vieilli, hein, il a bien grandi depuis ces années, parce que nous, ça fait quelques années qu'on le suit pour vous. Et il y a toujours des belles découvertes à voir. C'était la séance d'ouverture officielle, ça s'est passé jeudi avec un très beau film qui s'appelle Aurora Borealis. Il repassera d'ailleurs le 20 octobre à l'abbaye de Neumünster. Et puis j'ai vu aussi un film polonais qui s'appelait Convoy. C'est un thriller psychologique. C'est l'histoire d'un convoi de prisonniers très très dangereux qui ne se passe évidemment pas du tout comme c'était prévu. Le festival se tient du 5 au 22 octobre en différents endroits de Luxembourg, essentiellement à la Cinémathèque, à l'abbaye de Neumünster, ainsi qu'à d'autres endroits comme les Rotondes. Il y a des événements. Il y a la soirée 10e anniversaire, il y a leur fameuse et traditionnelle soirée découverte de la gastronomie des pays de l'Est. et puis il y aura la fête de clôture, et puis ce soir c'est la fête des Balkans, donc n'hésitez pas à y aller, www.cineist.lu pour tous les renseignements, et nous on vous tient au courant et on vous invite fortement à y participer. Ils ont aussi leur programme Charity Project, donc achetez le pass, il coûte 25€, il vous donne droit à toutes les programmations. Allez, on laisse la place à Caravan Palace, Maniac. C'était inclassable, hein, mais vous les connaissez peut-être déjà parce que c'est pas la première fois évidemment qu'on les écoute. Il s'agit du groupe français Caravan Palace avec le morceau Maniac. C'était en 2011. On était en 2014 avec Sister Speak, 2011 avec Caravan Palace. On va revenir plus proche de nous en 2016 et on va aller du côté de Chypre avec une artiste qui s'appelle Arda. Elle est accompagnée de son groupe les Stolen Moon. Ça vous rappelle peut-être quelque chose si vous êtes un auditeur récent de Planet Indie, puisqu'elle était Powerplay il y a quelques mois de cela dans cette émission. On va écouter donc le morceau Crazy Bridge. Avant cela, les événements, on avait quitté 2013, on remonte vers 2014. Le 28 juin 2014, c'est la dernière présentation par Philippe Bouvard de sa fameuse émission culte et cultissime des Grosses Têtes. Ça faisait 37 ans qu'il présentait cette émission. Ça avait commencé le 1er avril 1977, donc c'était pas un poisson d'avril ni une blague, mais chaque animateur de radio rêve d'avoir une carrière comme la sienne, hein, ça y a pas à dire. 2014, c'était aussi l'année de la Coupe du Monde au Brésil avec ce match complètement fou qui s'est tenu au stade du Maracanã, cette demi-finale donc entre l'Allemagne et le Brésil. Match remporté par l'Allemagne sur le score de 7-1. Bah oui, pour un match de demi-finale, c'était vraiment inédit d'avoir un score pareil. Déjà, même en poule, ça ne doit pas être courant. Il y en a eu, hein, il y a eu du 10-1. Je sais bien que la Hongrie avait battu le Honduras, je crois, 10-1 en 82, quelque chose comme ça. Mais 7-1 en demi-finale, c'est assez exceptionnel. Et puis, en cette période de référendum pour l'indépendance, en 2000, on en était en quoi ? On était en 2014, s'est tenu le référendum pour l'indépendance de l'Écosse. 55% des Écossais ont répondu non. Et puis en novembre, le 12 novembre 2014, l'anniversaire de ma maman, tiens, tant qu'on y est, la sonde spatiale Rosetta envoie le robot Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko. C'est la première fois qu'une comète est visitée par un engin humain. Allez, on retourne à la musique avec du côté de Chypre. On écoute Arda et les Stolen Moon avec le morceau Crazy Bridge. Ça, c'était sorti en 2016. Hi, this is Arda from Arda and the Stolen Moon. Thank you, Planet Indie, for being the first radio station to play our songs and for supporting indie bands all over the world for 20 years. And I'm Jamie Phelps. And we're from Wilfred N. and the Grown Men. Greetings from Edmonton, Alberta, Canada. Thanks for playing our music, Planet Indy. And congratulations on your 20th anniversary. Well done, man. Là où tout s'affole, la course finit dans l'air. Là, le dernier verre. Là, le goût de l'oubli, il faudrait qu'on décolle. Mais je rentre et tu rentres, les fins de nuit laissent un goût de désert au fond du ventre. Symphonique et légère, nos fins de nuit. nos endormis résonnent dans le silence où tu danses, où je danse aussi, les autres s'abandonnent. Mais je rentre et tu rentres, les fins de nuit laissent un goût de désert au fond du ventre, symphonique et légère. Une artiste française qui s'appelle Messia, et ça je m'en souviens comme si c'était hier, le jour où je l'ai découverte. Ça se passait à Besançon, je me trouvais là-bas sur la route des vacances, pour paraphraser l'ami Michel Delpech, et il y avait un concert le soir, et donc je me suis dit bah oui je vais aller voir, hein. Et puis il y avait justement Messia qui se produisait, donc c'est comme ça eh bien qu'elle a fait son apparition dans cette émission, puisque voilà, après bon, on a contacté la maison de disques et tout pour avoir les droits pour la diffuser. Et donc voilà, cet extrait d'un très bel album qui s'appelle Tropique, et on écoutait les fins de nuit. On va poursuivre en musique avec un autre powerplay assez récent, un album sorti en 2016, l'album de Ray Gorin. Je vous avais parlé de ce gamin prodigieux et surdoué, et j'avais mis une photo où il était sur scène avec un des maîtres du blues, je me souviens plus de son nom, allez voir sur notre page Facebook, elle s'y trouve, et c'était le jeune et l'ancien qui jouaient ensemble du blues, puisque c'est du blues qu'on va écouter. Avant cela, on passe en revue les événements de 2015. On remonte tout doucement, on arrive tout doucement au bout de cette émission. Je vous rappelle que c'est une émission à horaire exceptionnel, puisque c'est la deuxième émission récapitulative des 20 ans de Planète Indie. Le mois prochain, eh bien, ce sera le 4 novembre, retour au format traditionnel d'une heure et demie, et puis avec Powerplay et tout, comme vous le connaissez. Mais donc, on voulait marquer un peu le coup pour eh bien, les 20 ans de Planète Indie. En 2015, c'est l'avion Solar Impulse qui a commencé son tour du monde. C'est la première fois eh bien, qu'un engin essaye de faire le tour du monde uniquement à l'énergie solaire. Le bicentenaire de la bataille de Waterloo avec eh bien, des reconstitutions spectaculaires là-bas du côté de Waterloo. Ensuite, le 30 juin, eh bien, la dernière minute du 30 juin 2015, elle fait non pas 60 secondes, mais 61 secondes, et eh bien tout cela pour se rapprocher au mieux du temps mis par la Terre pour faire un tour autour du Soleil. C'est une seconde d'ajustement, on va dire. Voilà, 2015, quoi d'autre? La NASA annonce qu'on a trouvé de l'eau salée à l'état liquide sur la planète Mars, donc c'est très très aérien cette année 2015. Et un peu plus léger, c'est le cas de le dire, puisque c'est la décision de la rédaction du magazine Playboy de ne plus publier de photos de femmes nues dans son magazine. La dernière eh bien, qui posera de façon très très légère, puisqu'elle n'aura plus de vêtements, c'était Pamela Anderson, ça c'était le 11 décembre 2015. Allez, on écoute Ray Gorin avec le morceau I Need You Here To Stay. Moi j'ai aussi besoin que vous restiez au moins jusque 18h, puisque aujourd'hui 19h, pardon, puisqu'on termine à 19h aujourd'hui dans Planète Indie. Waking up in pieces, I can't read what's in your head. Will you stay with me or will you leave me here instead? If you go, my heart will break the wall and hit the floor. It's 'cause I love you and I need you. I need you here to stay. I need you here to stay. It's 'cause I love you and I need you. I need you here to stay. I need you here to stay. Playing poker with your mind, I got in just the right direction. Playing with fire, walking on water, all the miracles you're showing. If you go, the faith I got from you will be no more. It's 'cause I love you and I need you. I need you here to stay. I need you here to stay. It's 'cause I love you and I need you. I need you here to stay. I need you here to stay. Écoute jusqu'au bout, hein. C'était Rick Warren, I Need You Here to Stay. Je vous ai parlé de King King tout à l'heure, en parlant de Sari Shore, je vous ai dit qu'on les écouterait. Eh bien, c'est le moment est venu. On va les écouter avec un extrait de leur album Reaching for the Light. Ils viennent d'en sortir un nouveau qui s'appelle Exile and Grace. On l'a reçu, on vous en proposera un extrait très bientôt. Et le morceau, c'est Crazy. Toujours dans cette émission, célébration des 20 ans de Planète Indie. You got me burning with desire. Inside my mind, it's only you. I'm burning up. You cool me down. It sets my soul on fire. You feel it just the same. Yeah. You just the same. You drive me crazy. feeling alright. You feel it just the same. You drive me crazy. You drive me oh so wild. You drive me crazy. You make me feel just like a child. Super groupe que ce King King, on les écoutait avec Crazy. On va poursuivre tout doucement la fin de la programmation d'aujourd'hui, de cette deuxième et dernière émission spéciale célébration des 20 ans de Planet Indie. On arrive à l'année 2016, en tout cas dans la remontée des événements. Alors en 2016, il y a eu beaucoup de décès de personnalités. Hein. Alors je vous les cite, Michel Delpech, Michel Galabru, David Bowie, Alan Rickman qui a joué dans les films Harry Potter, René Angélil, le mari de Céline Dion, Jean-Pierre Coff, Johan Cruyff, Prince, qui d'autres encore j'avais sélectionné, Claude Jansac, tous ces gens-là, eh bien, décédés en 2016. On avait parlé d'une année maudite à ce niveau-là. Quoi d'autre à signaler ? Eh bien, c'est le référendum pour le Brexit. Le lendemain, eh bien, la livre sterling perd 8% par le dollar. Et puis, on a eu chaud, en tout cas, que mes amis français me pardonnent, mais on a eu chaud parce que c'est le Portugal qui a gagné le championnat d'Europe en battant la France 1-0. Et alors, le 14 novembre, c'est bien, ça s'est passé à 12h22. La Lune était beaucoup plus grosse que d'habitude, elle n'a jamais été aussi proche de la Terre depuis 70 ans. C'est ce qu'on a appelé la super extra-lune. On poursuit en musique avec le groupe de Clarissa Korolenko. Alors elle fait aussi partie, je vous en parlais tout à l'heure, des artistes qui font partie de notre groupe Facebook. Si vous aimez, vous nous rejoignez, comme ça vous pourrez la contacter directement parce qu'elle en fait partie. Son groupe, c'est le groupe Chamber of Echoes. On les écoute avec le morceau Disenchanted. Broken mirror. désolé. Je suis désolé pour tous les femmes, les fans de Chamber of Echoes. On va devoir couper un petit peu la fin du morceau parce qu'on commence à être pris par le temps. Donc on poursuit la programmation, on a encore deux morceaux à vous proposer. Le premier c'est Stone Cupid, un de nos powerplays récents avec Would You Love Me. Le style est un peu différent, vous allez voir. Hi, this is Davis from Savage Peace and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Cliff of the Pink Dust and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Vivi from Mental Monkey Ballet and you're listening to Planet Indie. Sitting in a movie and I'm staring at the screen. They're dragging Jesus from the town. It don't look good to me. Well, if I had a bucket, or better yet, a spoon, I'd go down to that river, baby, bring that river home to me. Would you love me? Would you really love me? Would you love me? Would you really love me? Elvis rode the wheels right off the gravy train. They could have shut that motor down, but they rode it just the same. Oh, and the women threw their panties. Yeah, and the women threw their bras. Elvis hung his head and said, they'll forget me when I'm gone. When I'm gone. Would you love me? Would you really love me? Oh, would you love me? Would you really love me? Voilà, quand je vous disais qu'on allait manquer un peu de temps, on va couper aussi un peu Stone Cupid, désolé, parce qu'il nous reste encore un morceau à écouter. Les événements de 2017, j'ai sélectionné pour vous, eh bien, encore des morts. Chuck Berry, Roger Moore, qui a joué le Saint, ainsi que James Bond. Alors, mon autre petite feuille, elle est ici. Claude Rich, qui a notamment joué aussi dans Les Tontons Flingueurs, il était bien jeune à l'époque. Jerry Lewis, Liliane Bettencourt et Mireille Dard, dont on a pu admirer eh bien, sa chute de rein dans le film Le Grand Blond avec une chaussure noire. Eh bien voilà, merci de votre présence au cours de cette émission célébrant les 20 ans de Planet Indie, la deuxième émission. On se retrouve le 4 novembre dans le format normal, 17h-18h30. Bon week-end. On va se quitter avec un dernier morceau, ça s'appelle Mobton Moon. Et ils ont fait tout un album de reprises de Pink Floyd, donc pour ça aussi, je voulais les passer parce que je suis un grand fan de Pink Floyd. On va les écouter avec le morceau Money. D'ici là, passez un bon week-end. Je vous retrouve donc le 4 novembre pour l'émission normale. Passez un bon week-end et à bientôt. Hey, this is Lars Nelson from Minneapolis, Minnesota, USA. Wishing Planetae Indie a very happy 20th anniversary. Here's to another 20 great years of playing the absolute best music in the entire world. Now turn it up and let your neighbors hear it. Thank you. away. You get that good job, more pay, and you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car, caviar, full start, daydream, think about me. A football team. Collect coins.